Nous resterons les moquettes du nom des gâteaux de tanins qu'on faisait sécher afin de les utiliser comme combustible. La belle enseigne en fer forgé représente l'étoile à six branches, emblème des brasseurs. Nous, on a les colliers là qu'on fabrique en Afrique. Donc, ce sont des colliers porte-bonheur. Ça, c'est bon pour la matinée quand on le met. Bon, c'est pour marler, vous connaissez. Thank you.